Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planet Rap. Maître Gims. Passez une bonne soirée. C'est parti pour le Planet Rap en direct, comme chaque soir avec Maître Gims. Comment va? Ça va. La journée était bien? Très bien, oui. Séance dédicace. Voilà, séance dédicace, on en a parlé hier. Merci tout à l'heure. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement d'ailleurs. Merci. L'album est dans les bacs depuis pratiquement une quinzaine de jours maintenant. Cet album, c'est Mon cœur avait raison. Ouais. Ce soir, que va-t-il se passer dans l'émission Gims? Ce soir, j'ai un invité. Ouais, j'ai envie de dire roulement de tambour. Roulement de tambour. J'ai un invité d'honneur ce soir, il s'appelle l'artiste. Ah bah, je pensais qu'on allait maintenir le suspense, mais même pas. On maintient pas le suspense. Bonsoir, l'artiste qui est là, comment ça va? Ça va très bien. En pleine forme, dis donc, j'ai suivi. Ouais. Monstre marin. C'est un nouveau monstre marin. Il a rejoint le Black Pearl, l'équipage. Et voilà, on en est très fiers, très contents. Ouais. C'est quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps. Donc super talentueux. Talentueux, très très talentueux. Un buzz pas possible. Et donc des choses qui vont se passer dans les mois, dans les semaines qui viennent. Des choses qui vont se passer, ouais. Même si peut-être que ça se passe déjà d'ailleurs. On va le laisser s'expliquer lui-même, je sais pas, tout à l'heure. Dans un instant, on est vraiment content qu'il ait rejoint l'équipage. Le temps de mettre un petit son d'un artiste qui débute, un morceau comme Brisé par exemple. Okay. Si ça te va pour bien toi. Bien sûr, on est artiste. T'aimes bien, ça tombe bien. Ouais. Il est invité toute la semaine en même temps. On débute avec quoi, Gim? J'ai oublié de te demander. Brisé, plutôt sapé comme jamais. Brisé, c'est bien. On y va calmement. Calmement. Et après, ça va. Ouais, tu connais. T'es habitué là, ça y est. Ça va monter en pression. Bon bah bienvenue à vous tous, le Planet Rap débute. Maître Gims avec l'artiste ce soir. On vous en dit plus sur cette signature justement chez Monstre Marin, signé par Gims. Et là le morceau Brisé pour débuter en version Skyrock. J'ai donné tout autant que toi. Tes larmes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi. C'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore facilement. Encore et encore facilement. Encore et encore facilement. J'essaie. Vois-tu comment le diable est habile? La vérité te déshabille. Rendez-vous dans une autre vie. Te souviens-tu d'être entré chez moi? T'as pu voir le cocon familial. T'avais pas le droit de me faire tant de mal. Je vais devoir éteindre les flammes par les flammes. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore. Je me voile sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance, aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. J'essaie d'y croire. Je me voile sûrement la face. Je me voile sûrement la face. Tu m'as poignardé. Et tu m'as fait du tort parce que le cerveau. Alizé à l'instant en version Skyrock. Maître Gims avec nous. Maître Gims aussi dans la roulette qu'on fera tourner là d'ici allez, une bonne cinquantaine de minutes. Maintenant, juste avant de retrouver Difool, inscrivez-vous dès maintenant pour faire tourner la roulette, repartir avec les places. Ouais. Début de la tournée, ça approche, mine de rien, le 12 novembre. Ça passe tellement vite. Grosse tournée de Maître Gims, des places à choper 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone. Gims est là avec nous, venu donc avec une nouvelle recrue au sein de ton label que tu as monté. Oui. Alors, recrue, un petit mot là. Déjà, on va le présenter, mais oui, un petit mot. Mais pourquoi pourquoi avoir signé l'artiste? J'ai signé l'artiste, ça n'a pas été simple. C'est un honneur qu'il ait pu rejoindre l'équipe parce que j'aime beaucoup son travail. J'aime beaucoup ce qu'il fait, vraiment. Il avait fait le remix de petits sons Naija, tu vois, nigérien un peu. Et dès ce moment-là, moi, j'avais bloqué sur le personnage. Bon, il y avait eu Déconnecté il y a un an aussi énorme. Oui, Déconnecté, mais moi, bien avant. C'est-à-dire, avant ça, j'avais déjà écouté, j'avais pris 2-3 claques déjà. Il y a eu l'album Phénoméno qui est arrivé aussi il y a quelques mois maintenant. Qui cartonne. Ça veut dire qu'il a fait son truc. Il a fait son truc lui-même avec son associé. Tu vois, ils ont monté leur truc. Et aujourd'hui, moi, j'ai tout fait pour le rencontrer, pour lui parler un peu de moi, mon projet, ce que je voyais avec lui. J'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Et ça a connecté. Ça a connecté, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Hein. Ça n'a pas déconnecté, mais connecté en effet l'artiste. Donc un petit mot sur cette signature. Toi l'artiste est content de rejoindre évidemment forcément un label qui monte. Très content, très content. C'est un honneur pour moi aussi, c'est partagé. La joie, le plaisir est partagé franchement. De la part du numéro 1, moi ça peut que me faire plaisir, tu vois. Donc je sais pas comment t'expliquer, tu vois, tout est venu. Là il y a eu la signature, mais en fait on se parle depuis un petit moment. Ouais. Tu vois. On s'est vu dans d'autres circonstances. Ouais. Et j'ai vu l'humain en fait. Donc il m'a parlé comme un artiste. Il m'a dit parce que c'est un artiste. Il m'a dit voilà, je sais ce que tu veux, je sais ce que tu attends. On n'a pas forcément vraiment hésité à travailler avec lui. Avec Purple Money. On a rejoint Monstre Marin et c'est une fierté. Donc c'est quoi les sorties pour l'artiste? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, faut regarder plutôt quoi, 2016 ou peut-être avant? Là, à partir de, en fait, on va à partir de maintenant, ça va commencer quoi. On aimerait une sortie pour fin d'année ou début 2016, vraiment, ça serait bien. Parce que c'est pas un artiste qu'on a l'habitude peut-être d'entendre en radio, à part avec Déconnecté qui a cartonné plus de 60 millions de vues sur Internet, vues que des gens majeurs ne font même pas, que certains Américains ne font même pas. Non, ça faut le dire. Et là, l'idée c'est de. Et puis c'est quelqu'un aussi qu'il faut rappeler qui tourne beaucoup, c'est-à-dire que chaque année. Il tourne énormément dans les clubs, dans le Maghreb, tout ça, il cartonne. Donc c'est pas normal. Cet été, ouais, tu t'es pas reposé l'artiste. Ah non, il tourne tout le temps, tu vois. Alors là, je pense que moi je vois vraiment les choses en grand. C'est quelqu'un qui peut aller très loin, vraiment très très loin. Et c'est pour ça qu'il est là ce soir, pour ça que je l'ai invité ce soir. Bon, c'est un truc auquel tu prends du plaisir maintenant avec ton label, signer des gens justement, les suivre un petit peu, même si tu leur laisses quand même a priori une autonomie aussi, c'est-à-dire que tu connais leur boulot, c'est le cas de Mac Taylor où tu le laisses, Le laisses bosser. En général, bien sûr, on laisse bosser. Nous, on est là pour pousser, donner de la force comme on peut, de l'exposition. Tu vois, moi, je suis là pour donner de l'exposition. C'est surtout ça, tu vois, les artistes, on les laisse bosser, après je propose des choses et tout. Mais moi, je viens vraiment ouvrir certaines portes, des portes auxquelles on n'a pas forcément accès, où c'est difficile. C'est mon travail dans ce label-là. C'est-à-dire que voilà, l'artiste, grosso modo, si je résume ce que tu dis, il arrive à un stade. Voilà, il est arrivé maintenant, à un stade. Maintenant, où il faut qu'il passe. Il est trop haut. Il faut qu'il. Voilà, il y a cette porte qui reste. Il n'avait pas la clé d'une certaine porte. Tu vois, il allait la défoncer quoi qu'il arrive. Tu vois, bah, mais j'ai dit, attends, j'ai la clé. Tu vois, mais j'ai la clé, t'inquiète. On peut y aller tranquille. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et là. Là, ce qui va se passer, je pense que ça va être énorme. Parce que moi, je suis témoin de ce qui se passe, que ce soit au Maroc, en France, ici, dans les clubs, ces sons tournent à toute patate. Les gens connaissent ces sons, tu vois pas. C'est juste qu'il n'est pas surdiffusé dans les radios, il est pas, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et là, c'est ce qui va se passer. Et là, ça va prendre une autre dimension. C'est quelqu'un qui va décrocher des disques d'or. Ça, je le dis à l'antenne, ici. Disques d'or, et on va le fêter ici. Et on le fêtera ici. Tu seras posé là. À ta place, le disque d'or sera là. Là. Et tu vas chanter. Et je chanterai moi. Ouais. Bah je vais pas gâcher la carrière de personne donc. Voilà ce qui va se passer. Tu chanteras. Je chanterai. Eh oui. T'es sûr? Oui. Et juste. J'ai bien dansé, mais chanter. J'ai bien aller danser en boîte avec l'artiste très tard dans la nuit. Non, ici même. Ça je veux bien. Mais chanter, je suis pas sûr. Hein. Parce que tu vas sur une voix un peu. Non, tu vas chanter, frère. Tendancieux. Et bah j'attends ça. Donc l'artiste est. Alors qu'est-ce qu'on attend de toi là? Quelles vont être les sorties? Là il y a un morceau qui s'appelle Qu'on passera tout à l'heure, c'est ça? Ouais. C'est un morceau qui s'appelle Polygame. Polygame, ouais. Très bien. Un des morceaux phares d'ailleurs. C'est un morceau qu'on peut trouver déjà, hein, qui est dispo. Ouais, exactement, qui est dispo dans l'album Phénoménaux. Mais là c'est quoi? Donc t'es en studio, tu bosses? Là, j'ai repris le studio et je suis toujours encore dans les dates, un petit peu à droite à gauche. Mais vraiment, je pense qu'on va vraiment attaquer la grosse partie du travail là, maintenant. Mais t'es prêt? Sélectionner déjà ce que j'ai, les titres que j'ai. Il a beaucoup de sons. Et il faut savoir qu'il qui sera sur la tournée Le Warren Autour. Ah, exactement aussi. Il fait partie intégrante du Warren Autour. Je le veux absolument sur la tournée, donc je lui ai fait la proposition. Et ça tombe bien parce que juste après, il sortira son album. Donc c'est vraiment un artiste, il faut le suivre de très très très près, ça va aller très vite. Il est sur le Warren Autour sur toutes les dates. Yes. Il est là, il me suit et il prépare son opus qui va arriver très très très très violemment. Bon bah on a dans un instant justement, on écoutera ton morceau Polygame. Qu'est-ce qu'on met comme titre de l'album Gims maintenant? On fera un petit jeu aussi avec vous deux, savoir si vous connaissez bien, savoir si ça se match entre vous. Dans un instant, qu'est-ce qu'on met comme morceau? Ça match, pardon, comme jamais. Parce que ce match c'est la vitesse supérieure. Savoir si ça match entre vous. Qu'est-ce qu'on met comme morceau Gims? On va mettre Sapé comme jamais. Aïe. Ouais. Ah, on commence à y aller là. Ouais. Oh, ça y est. Là on y va en attaque. Il est 20h06. Allez, coup d'envoi, Sapé comme jamais avec Niska maintenant, c'est extrait de l'album Mon cœur avait raison. Comme jamais, déjà, sapé comme jamais, sapé comme jamais, sapé comme jamais, déjà, sapé comme jamais. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, Mickey Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Et ouais, ma puce, là, tu me rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, voilà donc. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, sapé, on bat les mains. Bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, ça roule façon Aladdin. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Je contrôle la nezo, apprécie mon parcours. Prends des catacombes, sale petit coquin des cocus. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Venez camo, pour deux crocos sur la chaussée. Je suis congolais, tu vois, je veux dire. Normatisé, maître Gims, convoitisé. Charlie Delta localisé, l'embilasso focalisé. Tapé comme Chacha, Chama. Dorénavant, je fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire, imbécile. La concurrence à ma vessie. Loubouzano et Hermès. Lui vite ton sac, je veux la recette. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Kinshasa na Brazza, Libreville Abidjan, Yaoundé na Douala, Bamako na Dakar, Dani Saint-Théo, Medjik na Darcy, Bilou na Dendemo, Juna Jana na Ça fait comme jamais. Y'a Loulou et Boutin. Y'a Coco na Chanel. Un solo véritable, la main droite, la main du roi. Ah, the king's hands. That's the Betty's. What's going on, man? Maître Gims, c'est Niska, sapé comme jamais à l'instant. Yeah. Quel morceau celui-ci, quel morceau. Grosse dédicace à Niska. Ouh, sapé comme Jaja de la Yves. Ça, c'est magnifique ce morceau. L'artiste, ça doit te plaire, ça, toi. C'est excellent. Ça t'aurait aimé poser d'ailleurs sur Sapé comme Exactement. Jamais. Exactement. Exactement. Donc je le disais en fait. On attend la version remix maintenant. Il y aura du remix ouais. Hein, celui-là. D'ailleurs, il y a pas mal de remix. Il y a pas mal d'artistes oui. Nigériens qui vont le reprendre et tout. Je pense que celui-là il va devenir. Il va avoir une longue vie. International. Bon, bah l'artiste, on attend ta version. Ah, c'est une bombe ce titre, franchement. L'artiste avec nous qui est donc la nouvelle signature de ton label Monstre Marin. On n'a pas salué l'Inso, mais l'Inso. L'Inso véritable, toujours là, de Kingsland. Il est là, il était là pendant la première semaine, toujours il est là encore pendant la deuxième semaine. Toujours là, ça c'est des gens, tu vois. Quand il y aura la sixième semaine, il sera là. Dans toutes les saisons. Ça c'est des gens avec qui j'ai marché dans l'obscurité, tu vois. Le véritable, il a tout vu, il a tout entendu. Tu vois, c'est personne. Rares sont les gens qui me connaissent comme ils me connaissent. C'est pour ça qu'il est toujours avec moi, toujours là. Le véritable. Ajoutez le véritable, le véritable. Véritable. Donc une vraie fierté justement d'accompagner Gims depuis le début. Ah oui, non, franchement lourd. Là je suis Dream poteau. Son côté Dream. Ah tu le connais, ouais je le connais. Ça fait un petit moment que tu n'as pas. Ah, t'as son numéro, ouais j'ai son numéro. Ouais. Tu parles avec lui en texto, ouais en texto. Ouais. Ah, véritable. Ah ça marche hein. Ça marche bien. Ouais ça va, ça va. Ouais, ça va. Non, ça fait un petit moment que tu n'as pas beer quelque chose sur Gims. Là, tu avais beer pour la première semaine. Est-ce que tu peux beer quelque chose pour la deuxième semaine? Franchement, je veux pas trop beer, tu vois, parce que c'est une réalité, tu vois. Moi, j'étais dans le côté, j'étais là sur le côté, j'écoutais l'album en scred. Je me disais, vas-y, cette année, vas-y, va les gifler, tu vois. Je me suis dit ça tout simplement. Après, j'ai prévenu des gens, je dis son album, il est lourd, tout. Les gens, ils ont dit, ouais, on va voir ça. Maintenant, c'est sorti, tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, ça a cartonné, tu vois. 3 jours, disque d'or. Franchement, je peux rien dire. Je peux que être là sur le côté, je me prépare à la Warano Tour, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, l'Inso sera aussi sur le Warano Tour. Il sera là présent sur scène, pas toujours là. Il supervise. Faut savoir qu'Inso est là, c'est pas quelqu'un qui se met beaucoup en avant, qui parle beaucoup, mais il donne énormément d'idées, il participe à énormément de sons. Il a participé à énormément de sons dans MCAR. Il est là, il a assisté à tous les enregistrements, il a donné des idées, que ce soit dans les clips, sur les sons, il assiste à même tout. Même le tournage, tu vois, on est là. Vraiment. On a plusieurs inspirations, tu vois. Qui a beaucoup de recul, beaucoup de talent. Voilà. Et puis on peut saluer aussi un autre talentueux garçon qui est là derrière. Docteur Berriz. Le grand Docteur Berriz. Calme. Non, c'est bon, tu peux rester. Il est tellement grand qu'il peut aller se pencher, Docteur Berriz, jusqu'au micro. Chaque fois que je viens ici, je croise que la famille. Tu vois, derrière. Et nous, en fait, on aime bien rester derrière et tu vois, se retrouver ici au calme. Tu vois. En même temps, on supporte, on est là, la présence, c'est important. Bon, lui aussi, talentueux, hein, je disais. Il sait tout faire, il sait rapper, il sait chanter. Exactement. Les mélodies, pareil. Ça, c'est des gens qui arrivent. C'est des gens qui sont là, qui sont en train d'arriver très, très fort. Docteur Berriz. J'ai écouté quelques titres, c'est énorme. Son projet qui arrive très prochainement aussi. Amen. Amen. Donc c'est pour bientôt. Ouais, pour bientôt. Très très bien. Très bien, bah bienvenue à vous tous en tout cas sur Skyrock entre 20 et 21. On va savoir si tu connais bien l'artiste et inversement si l'artiste connaît bien Gims avec un petit quiz par exemple. On va commencer simple. La ville de naissance de l'artiste. Bondy. Presque. Non, pas naissance. Et pareil, la ville de naissance de Gims. Paris. Ouais, un peu plus dans le sud. Mais toi aussi en même temps, un peu plus dans le sud hein, que Bondy. Ouais, mais lui me l'a pas dit. Par contre, moi je lui ai dit. Ouais, lui m'a dit, ouais. Alors ? C'est à moi ? Non, il est né où, l'artiste ? Ah non, tu m'as pas dit où tu étais né. Bah si. Ah, non, je suis né à Marrakech. Je suis au bled. Marrakech. Et donc pour Gims, pareil. Continent africain. Pareil. Non, pas Marrakech. Ah, non, Kinshasa. Kinshasa, voilà, écoute. In the hood. Bon, bah, moi. Le hood. Je suis né derrière un arbre, c'est pour les auditeurs de Sky. Je suis né derrière un arbre. C'était ghetto, c'était gang. Donc, je suis vraiment de la hure, quoi. Alors, attention. Maintenant, la plus grande qualité de Gims. Et inversement, la plus grande qualité de l'artiste. Oh là là. Moi, ce qui m'a touché, on a passé un long moment ensemble au Maroc. On a passé plus d'un mois ensemble. Vraiment, pratiquement, on se voyait tous les jours. Et c'est quelqu'un de très gentil. Sa gentillesse, sa simplicité, c'est ce qui m'a touché. Tu vois, quand t'écoutes un artiste, des fois t'écoutes ses paroles, machin, tu peux le croire arrogant, il se la raconte et tout, tu vois. Et quand je l'ai rencontré, ça m'a encore plus touché en fait. Vraiment sa gentillesse, sa simplicité, c'est un passionné de musique. Et on parle de. Et c'est quelqu'un de très cultivé. Donc ça fait très, beaucoup de qualité, hein. Cultivé, gentil. Non, vraiment, c'est de gentil. J'ai appris beaucoup de choses musique. Avec musique. De et très toi, cultivé. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur Gims, sur la plus grande qualité de Gims? Bah, c'est un bâtard. Non, c'est la générosité. Ça arrive, c'est après. C'est pour après, c'est pour après. Je l'ai vu, je lui ai demandé un truc, il m'a dit je te rappelle. Sincèrement, c'est quelqu'un de vraiment et de réellement généreux. Ouais, c'est pas. Tu veux nous faire pleurer ce soir? J'aime cette petite ambiance du mercredi soir. Quelqu'un qui est généreux. Ça se voit, moi comme il t'a dit, j'ai passé quasiment un mois avec le frérot, donc j'ai pu le voir au quotidien. que ce soit avec son entourage et tout. C'est quelqu'un de vraiment généreux. Mais pas généreux que dans un sens, c'est généreux dans les mots, dans les conseils, dans... Non, c'est franchement quelqu'un de bien. Bon, pour l'instant c'était gentil, maintenant passons à la suivante. Merci. Le plus grand défaut de Gims et de l'artiste, qu'est-ce que ça peut être? Le plus grand défaut. Est-ce que j'ai repéré déjà un défaut sur l'artiste? Il est trop gentil, toi. Arrête de t'en sortir comme ça. Il est trop généreux. C'est ça, attends, j'étais sûr que t'allais me dire, il est trop généreux. Il est trop gentil. Non, tu aurais pu dire perfectionniste. C'est le problème de l'artiste, il est trop gentil. Perfectionniste qui peut être un défaut de qualité. Les deux, on va dire que vous êtes perfectionniste. Comme ça, ça fait un grand défaut. Non, mais c'est un peu trop perfectionniste. Tu sais, on était ensemble. Je veux dire, on a passé pas mal de temps ensemble. On était en train de faire un jeu tous ensemble. Ouais. C'est un petit jeu, c'est le loup. Ça s'appelle le jeu du loup. Ah, c'est oui. Rappelle-nous le jeu du loup. C'est quoi le truc? Oh, c'est un jeu. Il y a des loups, il y a des villageois en fait. Et il y a quelqu'un qui fait narrateur, qui distribue un peu les papiers. Dit toi t'es loup, toi t'es ci, toi. Ah ouais, c'est ce un jeu de dingue. C'est un truc de dingue. Tu vois, Youssef est très fort à ça. L'artiste très très fort à ça. Il est on l'a pris un grand maître, un grand patron. Et on jouait à ça. Et pendant qu'on joue, le mec était là, il faisait une instru. Normal. Tu te souviens quand t'as fait l'instru là? Ouais, exactement. Il était là en train de composer, donc il est toujours plongé là-dedans. C'est un perfectionniste. Il est là, ouais. En même temps, il joue au loup, il gagne et tout. Toi aussi, tu passes ton temps sur ton portable à enregistrer des mélodies, des petits yaourts, des petits trucs. Ouais, j'ai pas mal de trucs comme t'as ça. T'as des mecs, il y a deux portables qu'il faut ramasser, c'est celui de Gims et celui de l'artiste. Ben grave. Là, je peux vous dire, si vous cherchez à faire un album, c'est faire. Vous récupérez les deux, vous faites un mélange des deux. Bon, les petites dernières questions là-dessus, savoir si vous connaissez bien tous les deux. Quel sera le nom du prochain album de Gims et de l'artiste? Oh. Ça, je sais pas ça. Mais moi, je sais pas, les mecs, ils peuvent pas savoir. J'essaie d'avoir en fait une info et on exclut, donc j'essaie de gratter un petit truc. Maestro, peut-être. Après Phénoméno, ça s'appellera comment l'album? Maestro, je crois. Ouais. Ah, c'est Maestro. Ouais. Tu vois, je suis. Alors, et maintenant, alors, autre info, le prochain album de Gims s'appellera Pilule violette. C'est ça en plus. Ce sera les. Faut que ce soit un attention, bon fais pas ça, auditeur, auditrice. Déjà, mon cœur avait raison. Tu vois, il y a quatre mots. Là, faut rajouter des mots. Alors, non, on va peut-être. Je suis changer. Allé trop loin. Ma raison, on avait peut-être pas tort. Peut-être pas tort, elle avait ma raison. Ah ouais, putain, c'est un bordel mal, hein. Pour suivre les albums là-dessus. Peut-être pas. On peut l'appeler peut-être. Avec la pilule violette, en effet. C'est JR qui nous proposait ça. Ouais, JR qui nous proposait ça. Bon, le Planète Rap continue dans un instant. Quel morceau on va mettre, Gims? Ou est-ce qu'on met le morceau de l'artiste? Ouais, on peut. Comme vous voulez. On peut mettre Polygame. Ouais. C'est en featuring avec le frérot. En featuring avec Dr. Berry. Ah, monsieur Dr. Berry. Ça arrive dans un instant. Ne bougez pas. C'est juste après ça le retour de Gims pour son Planète Rap avec l'artiste. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planète Rap. Maître Gims. C'est Maître Gims toute la semaine dans Planète Rap avec le double album Mon Cœur avait raison. Ce soir, l'artiste est là avec nous entre 20h et 21h. L'inso, on l'a dit, Dr. Berry's. Et puis, on avait promis donc ce titre qu'on va écouter maintenant. Et on me dit dans l'oreillette aussi, une autre exclue arrive sur Skyrock. Ouais, une autre exclue. Une autre exclue. J'ai présenté Danny Sainté. J'ai présenté Danny Sainté et j'ai travaillé avec pas mal de beatmakers. Et notamment Renaud, Stan aussi, et aussi un nouveau qui arrive dans ce game-là. Quelqu'un qui a beaucoup de talent pour moi, quelqu'un qui a une touche personnelle, qui a ce côté original que j'aime beaucoup. Il s'appelle Yelatif, il est à ma gauche ce soir ici présent. Et bah bienvenue Yelatif, ça va? Ben ça va très bien. En pleine forme, attends. Tu sais quoi, on va parler avec toi dans un instant. On va balancer le morceau Polygame. Et l'autre exclu dont je parlais aussi, c'est bon, Yelatif. Ouais, et une autre exclu dont on me dit dans l'oreillette, nouveau son de Black M. Ah. Titre inédit qui illustre la bande-son du film Aladdin. Je sais pas si t'as écouté. Je découvre. J'ai vu les teasers, les machins. Eh bien, nous avons le titre en exclu qu'on pourra écouter dans un instant. D'accord. Ne bougez pas, mais juste avant, on a promis le morceau de l'artiste. On présente Yelatif après. Bref, il y a encore du boulot ce soir. Restez bien sur Planète Rap entre 20 et 21. Polygame, c'est parti. Polygame. Ok. Fatigué de chercher la bombe, ce que j'ai pas chez l'une, je l'ai chez l'autre. Elle ne veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. Trois numéros de téléphone. Allô chérie, rien que ça sonne. Cyclone en vie quand elle est dans la zone. Polygame. Polygame. Polygame. Polygame. Polygame. Polygame. MMC l'artiste. Polygame. connexion. Toi et moi, connexion. Vraiment non sans soleil, déconnexion. Ma main sur ton crâne, je relâche ta pression. Bang. Même ta marché, il faut pas te cacher. Ton boulet est chargé tout comme ton passé. Tu n'es pas la seule, non faut pas te fâcher. T'es fan de moi mais tu vas te lasser. Fatigué de chercher la bonne, ce que j'ai pas chez l'une, je l'ai chez l'autre. Elle ne veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. Trois numéros de téléphone. Allô chérie, rien que ça sonne. Cyclone en vie quand elle est dans la zone. L'artiste à l'instant sur ce morceau, un morceau de, qui s'appelle polygame. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qui doit te plaire aussi, Gims, quelque part. Non pas la polygamie, mais le côté justement, ce côté second degré dans l'écriture de l'artiste. Mais grave, c'est un fou furieux. C'est un fou furieux. Il va dans des terrains. Où, oui. Où, des terrains glissants. Je te jure. Mais c'est ça que les gens kiffent, ouais, en fait. De... Non, mais c'est un thème en fait. On l'a vu revenir plusieurs fois, ce thème de la polygamie dans, ouais, dans l'actualité. Mais comme ça, là, en mode single, battu. Tu vois, non, et puis là, oui, il y a le côté voilà, dansant, ouais, machin. Un peu truc, quoi. C'est vraiment pas. Je vois bien quand tu le fais. Je vois bien quand tu le fais dans les showcases. Tous les mecs, je suis polygame avec, ouais, les mains. Bien sûr, hein, ils sont contents de le chanter, ça. Ouais, ça, j'en doute pas un seul instant. Ah, il y a une part de vérité aussi. Hein. Ça, c'est un. Ah. Alors, attention, c'est le moment confidence on de l'émission. On l'avait pas entendu. Gims, présente-nous ce garçon qui vient de dire ça avec sa jolie voix. En nous disant, il y a une part de vérité. Une part de vérité, donc il est natif. Donc il est natif. Yelatif, voilà, confie-toi, allonge-toi sur le canapé, dis-nous tout. Ah, je peux te dire, moi, tu es tout, Yala. Tu vis avec combien de femmes, d'alors? Non, pas moi, c'est pas moi. Ah, bah c'est jamais. Ah, non, c'est jamais les concernés. Moi, j'analyse. Oh, j'analyse la situation. Je vois les gens et je vois que les hommes, ils aiment bien collectionner. De nos jours, ouais. Instagram, tout ça. Mais les femmes aussi, hein. Ah, les femmes sont encore pire. Le débat est lancé. Le débat est lancé. D'un côté, l'artiste. On change d'ambiance. De l'autre, il a dit. Ah, l'inso, tu veux ajouter une petite touche là-dessus? J'ai envie de parler musique, tu vois ce que je veux parler. À savoir, lui. Ouais. Bon, toi, tu es polygame en musique. Voilà, c'est ça. En plus de ça, vous n'avez pas eu la chance d'entendre la version où il y a le B. Bien sûr. Il appelle toutes ses femmes. En fait, dans le morceau, il y a la version. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai, il y a une version quand même qui a été raccourcie là. Oui, ça a été raccourci. D'ailleurs, je ne comprends pas. Il y a eu un petit problème de son, mais c'est pas très grave. C'est Aria, a priori Aria, qui ne voulait pas diffuser Docteur. Mais vous pouvez écouter le morceau en fait sur Internet aussi. Il y a Docteur Baliz qui appelle toutes ses femmes au début de son couplet. Ah, lui aussi. Eh ben, ouais. Dis donc, on est bien entouré. Bon, revenons sur le cas de Yelatif qui est là avec nous. qui a donc bossé avec toi, voilà, sur l'album, qui a bossé sur combien de morceaux? Il est signé chez Monstre Marin, lui aussi, en tant que beatmaker Yelatif. Donc on a bossé ensemble Habibi, La Main du Roi et Richard Mille. Et toi Yelatif, pour arriver jusque Mon Cœur avait raison, il y a eu quoi comme parcours avant? C'était un parcours assez long en fait. Parsemé d'embûches. Exactement, parsemé d'embûches. Comme c'est vrai? En fait, ça fait combien de temps que toi tu composes? Alors tu fais moi, j'ai commencé à faire un peu des prods depuis 2008. Et c'était en fin 2012, j'ai rencontré... Ta première compo à 4 ans, hein, comme Mozart. Wow. Ouais, en vrai. 2008. Et j'ai rencontré Bejik en fait, sur Internet, sur Facebook. Je lui ai parlé, il m'a négligé pendant 2 semaines. 2 semaines, ça va encore? Bejik, des prods, Snap, Bejik, c'est ça? Il confirme. Et du coup, petit à petit, après j'ai fait des sons avec Bejik et tout. Il m'a ramené une fois à Skyrock. Petit à petit, pour approcher Muggy, c'est compliqué. Au début, c'est compliqué. Ah, au début, c'est compliqué. Et un jour, Muggy, donc il a créé le label, il cherchait donc un compositeur. Et Bedji qui m'a dit prépare une palette. Prépare une palette, Muggy veut écouter. J'ai dit vas-y. Et un jour, ils ont écouté et je reçois un message de Bedji. Moi, j'étais chez moi, en train de faire du son comme ça. Ouais. Me guide aussi. Oh ouais. C'est la folie. C'est moi, je saute en l'air, ça y est, je saute en l'air. Donc, tout s'est fait grâce à Belgic. La base des bases, c'est Belgic. Eh bah, bravo Belgic, en tout cas. Donc, une belle rencontre, hein, Guillaume. Lourd, lourd. Très belle rencontre. Habibi, c'est un des sons préférés, d'ailleurs, de l'album. Peut-être qu'on pourra le remettre tout à l'heure. On pourra le remettre, ouais, je pense. Évidemment, évidemment. Et du coup, ben ouais, voilà. Et voilà, l'aventure commence. Et donc, bosser avec Gims, pareil, c'est. Bah, c'est fou parce que, t'imagines, moi, en 2012, l'apogée sort. J'écoute Melrose Place dans ma voiture en train de livrer des pizzas, tu vois. Ah, tu livres en voiture les pizzas des... Ouais, en voiture. En voiture. Et là, il se fait livrer chez lui dans sa ville. Parce que moi, je viens pas de Paris, tu vois. Moi, je viens de Lorraine. Tu viens d'où? T'es Lorraine. Je viens de Creutzwald, au fin fond de la Lorraine. Creutzwald, ah oui, donc oui. Tu vois le nom déjà, Creutzwald. En fait, tu commandes une pizza à Creutzwald. Ça vient de croûte de cheval, mais ça, tu vois, c'est ça. Tu commandes une pizza à Creutzwald, elle arrive 8 heures après, quoi. Vous venez ma ville, d'accord. Pas de soucis. Non, moi je viens de là-bas. Mais c'est sympa Creutzwald, non? C'est super chouette. C'est vrai, c'est... ça donne envie de composer, je pense, quand t'es à Creutzwald. Ouais, bah, la haine ça. En fait que tu ressens, ça te donne des tubes. Ouais. T'as que ça à faire en fait, tu vois. Donc oui, donc tu livrais, donc là-bas les livreurs de pizza ne sont pas en scooter mais non, en voiture. Non, en voiture, entre chaque ville il y a 10 km. De comment t'as fait ta journée, gros? Ah, c'est mort. Ah, je finis. Allô, on a besoin d'une margarita. Ah, c'est pas. Ah non, j'ai fini là. Ah, c'est pas pizza 30 à Creutzwald là. Ah non, pas du tout. C'est 30 heures de livraison, quoi. Ah, j'ai mort dans le film, sinon. Ah ouais, c'est un vol d'oiseau, ça se compte à vol d'oiseau. Donc, je suis à 3 jours de vol d'oiseau. Excuse-nous, Yalatif, on ira faire un tour à Creutzwald en tout cas. Ouais. Je sais pas, t'imagines la situation, moi. Creutzwald, on ira là-bas, la tournée Warano Tour. N'oublie pas. Passera par Creutzwald. Elle passera par Creutzwald. Warano passe partout. Commence là-bas. Le public, là où le public il est, on y va. Donc, tu es dans ta voiture à Creutzwald, entre deux livraisons. Je suis entre deux livraisons, je suis en train d'écouter l'apogée. Sur Melrose Place, je me dis putain c'est fou et tout et tout. Et là maintenant en 2015 je me retrouve à faire 3 titres, même 5 titres avec lui cette année, tu vois. Et donc les pizzas c'est fini pour l'instant? Ouais c'est fini, tu vois. C'était en 2013. Il y a une petite pause dans la livraison là, c'est ouais. Vaut mieux pas commander à Creutzwald en ce moment. Tard, faut mieux aller sur des anciennes solides, sinon vous allez. Il y a encore les shérifs là-bas, il y a un shérif là-bas. Le fameux shérif de Creutzwald. Jalma et des shérifs. Il règle tous les problèmes. T'as la machine à laver, elle marche plus. En même temps, il y a un braco là-bas. Oh merde! Appelle le chéri! Oh merde! Ah, regarde, tiens, il se parle tout seul au Taki Walki. Il y a Romano Bess qui envoie, il vient de chez moi. Est-ce le titre. Est-ce que tu me reçois, Miller? J'habite là-bas à Creutzwald, on a trouvé un habitant, bien. Oh! Continuez, de pas toi. Oh, ouais. Continuez, habitant de Creutzwald, sortez les dossiers sur les Yalatifs, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns là-bas. Non, non, non. Fermez bien vos bouches. N'hésitez pas. On va faire des trucs sur ma carrière. N'hésitez pas à nous dire comment ça se passait, Yalatif, à Creutzwald. Ça se passe à Creutzer. On accueille maintenant Jayel de Lyon. Ça va bien, Jayel? Ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, il y a Gims, il y a Yalatif de Creutzwald qui est là avec nous. Ouais, ouais d'accord. Et il y a l'artiste, il y a du monde, il y a Linceau, il y a Dr Berries. Et puis il y a toi, Jayel, tu viens rapper dans l'émission? Exactement. Allez, c'est l'heure du freestyle par téléphone, on t'écoute. Votre game, c'est pour toi. Je suis avec notre game sur Skywalker, l'album fait mal. Comme le sable de Skywalker me dit what I know. Un rappeur à la voix, gros quoi, quand je me sens pas bien. Je prends la pilule bleue, il fait rapper, chanter. Enfin c'est comme tu veux, j'ai balancé la sauce. Mais jamais t'es la blouse. Le rap, tu lâches pas les baskets car c'est moi qui shoot. Sur le type gêné comme le livre à sa mi-loose. Sur ma tête, je porte la vortex. Je suis sur Sky avec Fred, c'est bien quelques mentes. Passe-moi une feuille et un stylo. J'ai pas besoin de caisse pour la nuit. Il est tard, va au lit, mon petit t'as pas un big show. Tu ne lâcherais pas l'affaire ni le micro. Commercial ou pas, en tout cas tu bouges. Tu prends pas la pilule bleue, bah prends la pilule rouge. Mais même si j'ai éliminé, même si j'ai éliminé, que le matin, mais que me fait j'ai l'émission, mani, le matin, la mani, mani, mani, mani, le mani, comme un mani, d'un mot. Yeah, c'est à faire deviner ça. Le devient avec Maître Kim sur Skywalk. Yeah, yeah, yeah, Jayel. Lourd, technique à 14 piges, 14 ans, rapide. C'est bien. En plus, avec le phone, tu vois, c'est un peu décalé, machin, mais il assure. Eh bah, bravo, beau choix d'instru. Gims. Ouais. Franchement, il est lourd l'album. Ah, merci mon gars Jay. Merci. Eh bah, bravo et merci à toi Jay. On peut te retrouver sur le net. Vas-y, balance un peu les infos. Bah, ma page Facebook, il y a Jay l'officiel attaché. Ma page YouTube, pareil, Jay l'officiel. Voilà, je peux passer des petites dédicaces ou pas? Vas-y, on t'écoute Jayel. Bah, dédicace à la famille là, qui est dans le salon, qui est en train d'écouter. Kenzie, Yanis, à maman, ma mère. Dédicace à Riyad aussi qui m'écoute. Voilà, dédicace à tous ceux qui sont en train de m'écouter là. Eh ben merci à toi, Jaïel. Passe une bonne soirée. Tu salues tout le monde, toute la famille qui est en train d'écouter du côté de Lyon. Merci à l'instant, Maître Gims. Il y a Latif, il y a des messages qui arrivent pour toi des habitants de Creutzwald qui nous disent je connais ces pizzas. Les pizzas merguez congelées, t'arrives chez toi, elles sont chaudes avec le chauffage de la voiture. Non, c'est un mensonge. C'est Gabriel qui... C'est un mensonge. C'est Gabriel. Oh là là. C'est Gabriel qui envoie ça comme message. Non, mais j'étais en train de découvrir Creutzwald parce que j'ai quand même été tapoté. Vous avez un super lac. On a un super lac qui fait Kilomètre 8. Le lac de Creutzwald, très connu. Exactement. Et habitants, c'est quand même pas mal, 13 607 habitants en 2012. Hein. Attention, voilà, faut pas négliger. Depuis, il y en a peut-être quelques-uns qui ont disparu. Oui, mais en tout cas, en 2012, vous étiez 13 607. Voilà, il y a 7 maisons de retraite environ. Ah bah 13 000, tu remplis même pas un Bercy d'ailleurs, Games. On pourrait peut-être inviter tout Creutzwald, mais ouais, on va faire un deuxième Bercy. C'est grave. Pour la suite. Bon, Yalatif, ça va toujours. Super bien. Yalatif, il a bossé sur un morceau qu'on écoutera d'ailleurs dans un instant, un morceau de l'album de Games. On remettra à Bibi, hein, c'est ça? On remettra à Habib. Mais juste avant, je vous avais promis, on exclut le nouveau Black M. Deux jours avant la sortie du clip, puisque le clip arrive vendredi à 18h. Le morceau, c'est pour illustrer le film avec Kev Adams, Le Prince Aladdin. C'est ce qu'on écoute maintenant. Exclu, réagissez avec le hashtag Skyrock, le hashtag Maître Games sur Skyrock. Vous balancez tous vos messages maintenant. Waouh! Mais qui est cet homme? Est-ce un Baghdadi? Je ne l'ai jamais vu ici. Serait-ce un prétendant pour la princesse? Habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas de taille. Bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sous le charme. Prétendant si tu l'aimes, je te conseille de baisser les armes. Oye oye, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas de taille. Bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sous le charme. Prétendant si tu l'aimes, je te conseille de baisser les armes. Oh, il vient de loin, ne cherchez pas à savoir d'où. Son cœur est libre et il veut chalier à la douce. Il est riche, beau gosse et j'en passe. Impossible de faire semblant de rêver quand la légende passe. On raconte ailleurs, tout le monde le veut. Tout le contraire du vizir et son neveu. L'homme aux 400 000 feux mais accompagné de cracheurs de feu. Il est même dit qu'il a un ami génie qui exauce des vœux. Jean-Michel il vend des jars, Aladdin il vend du rêve. Posé sur son dromadaire, poussez-vous, il tient les rênes. Bien trop connu pour qu'on se demande qui c'est. Chouf, ses diamants, son or, ses cheveux lissés. Les prétendants tous nazes, limite insultants. Inclinez-vous, allez tous prévenir le sultan. Princesse Chalia, voilà Aladdin le prince. Avis au Bagdadi, désormais c'est lui qui rince. Oh. Tu sens qu'il a une petite haine. Quand j'arrive à Bagdad, y'a plus de problème. Mandara, what's my name? Ça fait A-L-A-D-I-N. Le vizir, tu sens qu'il a une petite haine. J'suis à Bagdad, présent pour ceux qui m'aiment. Mandara, what's my name? Vous êtes vous faites place au plus riche. Fuck le vizir. Bon bah c'est bon, je l'ai dit là. Fuck le vizir. À l'instant, donc, en exclu total, le nouveau son de Black M qui va illustrer le film Le Prince Aladdin avec Kev Adams, qu'on entendait rapper aussi, qui a kické aussi sur ce morceau. Ouais, il a kické. Hein. Et sorti du film le 14 octobre. Voilà, en exclu, le clip arrive vendredi à 18h. Vous pourrez mater le clip, les images et le son. Vous l'avez vu en exclu dans Planète Rap, le Planète Rap consacré à Maître Gims entre 20 et 21, avec l'artiste qui est là, avec Yelatif qui est là aussi, et qui a bien fait de venir Yelatif dans Planète Rap ce soir entre. Je me suis bien fait allumer là depuis tout à l'heure. Oh non, tout va bien. Et puis le téléphone, on n'a pas pris un seul coup de fil, dis donc, Gims. Ouais, quand les gens appellent 06 71 74. Ah oui, 06 71 74 84 15, c'est le numéro, la ligne directe, le portable. Ça appelle, ça y est. Eh bah vas-y. Allez, décroche tout de suite, Gims. Un petit coup de fil en direct. Allô ? Oui, allô ? Mon pote, ça va ? Yo, Gims ? Ouais. J'ai une question à poser. Ah bah ça va vite, hein. C'est... Ça va vite. Vas-y, on t'écoute, Et, écoute. Alors, je voulais savoir si c'était toi qui gérais ton compte Instagram. Ouais, c'est mon Instagram, c'est moi qui... Ouais, je poste des photos et tout, bien sûr. Bah, est-ce que tu te souviens de moi ou quoi? Ah, c'est qui? Alors Raïdé Danton. Ah, c'est toi qui... Ah non, il est fort, je le connais. Tu connais? Il reconnaît ta voix, c'est ça. Il poste toujours des trucs, il est là derrière, il soutient. Ouais, Raïdé, tu t'appelles Raïdé. Il s'appelle Raïdé. C'est une star, ce mec. Raïdé Danton officiel. Ah, Danton officiel, la légende. Ça va, mon gars? Ah, t'as... Mais t'es... c'est un truc de ouf, j'aurais pu ne pas décrocher. Ah oui, t'aurais pu ne pas décrocher. C'est fou, hein. T'as quelque chose, toi. Il est... C'est le futur président de la République. Ah lui futur président. Il va être président. Sa sortie, il est lourd. Tout ce que tu veux, hein. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pris l'album depuis sa sortie, il est lourd. Il est lourd, t'aimes bien? C'est quoi ton son préféré, toi? C'est quoi vraiment ton truc? Mon son préféré, c'est Asma Loico et Angelina. Ah, bon choix. Bon choix, très bon choix. Riley, ça fait plaisir en tout cas. Merci à Riley en tout cas. Pour ton soutien, merci. Et donc tu confirmes, Game, c'est bien ton Insta. Oui, c'est mon Insta. Je t'ai tagué sur une nouvelle photo sur Insta. Je vais aller voir ça. Tu vas aller voir ? Ok, ouais. Oublie pas de liker, hein. Ouais. C'est le président. Ouais, il est fort, lui. Il est déjà parti, là. Il est déjà en 2035, là. Il est loin, t'es déjà. T'es très fort, hein. T'as quelque chose. Eh ben, merci à Riley, en tout cas. Merci, Riley, d'avoir été avec nous. Et en fait, j'avais oublié un dernier truc. Je serai en Rennes le 12 décembre. D'accord. Ah, il sera à Rennes au concert de Rennes. On va essayer de se voir là-bas, alors. Eh ben, 12 décembre, concert de Rennes. Merci à Riley qui est en ligne avec nous. Merci beaucoup. Au 06 71 74 84 15, Gims, on met le morceau qui a été produit par Yelatif. Ouais, on met le morceau produit par Yelatif. Habibati, Habibi. Qu'on a coproduit même. Coproduit. Ouais, qu'on a coproduit, hein. Toujours. Toujours. Enfin, téléphone, etc. Téléphone, il t'envoie le son. Et ouais, lui-même avait envoyé une pareil, version du son, on l'a retouché. Il bosse pareil que Dany Sainté nous a expliqué un petit peu hier. Alors, comme il a bossé avec moi, c'était un peu différent. Ouais. Parce que les trois prods que moi je lui ai proposés, donc c'était en l'occurrence La Main du Roi, Richard Mille et Habibi. Mais Habibi, lui, il a rajouté une mélodie par-dessus. Parce que la mélodie qu'on entend dès le début, elle n'y est pas à la base. Et c'est Gims lui-même qui l'a inventé. Mais ça lui a percuté direct. Ouais, oh, il est percuté. Mais qui est fort, hein. Très lourd. C'est impressionnant. En studio, c'est impressionnant. Arrêtez. Ça va. Arrêtez ça. Bon, le résultat, on l'écoute maintenant. C'est Habibi sur Skyrock. C'est parti. Hey, yeah. Ouais. Dédicace à mon gars Roger, les jumeaux. Oh. Quand je marche ailleurs, soudain tu décélères, avant que tu SLR. Et dans ton bled, tout le monde m'appelle déjà Habibi, Habibi, Habibi, Habibi, Habibi, Habibi, Habibi. Sur le torse, t'as reconnu le logo Warano, One Tête comme un putain d'autobo. Elle est loin, l'époque de la Delidelo. Mon stylo est choqué, j'écris au stabilo. Ma chérie dansant sur ce petit champ de mine, comme Richard, tu sais que je vise dans le mille. T'as pris tellement de râteaux que t'es devenu jardinier. C'est le dîner de convient que t'invite à dîner. Rendez-vous ce soir, pas loin de rue de la pompe. Puis j'arrive à Yep, 2000 la paire de Completion, la casse à coste. Les femmes en sainte terme, bâtiment B, 6ème étage. Montre qu'on enfile des perles. J'ai sévère avec la petite cuillère, mais quand je marche à Yen, soudain tu décélères, avant que tu SLR. Et dans ton bled, tout le monde m'appelle déjà Habibi, Habibi, Habibi, Habibi, Habibi, Habibi, Habibi. Y'a la tif à la prod Zer. Mon rêve d'enfance, un château de salle. meuf posée côté passager. Je vois du monde arriver, la plupart ont pas chassé. Je vais toucher tout le monde, même les mecs de chasse et pêche. Quand tu parles d'oseille, c'est normal que j'en dépêche. Ma chérie, donne-moi ta main sans réfléchir. Ta beauté est telle qu'elle détruit des familles. Ma chérie, donne-moi ta main sans réfléchir. Ta beauté nous empêche tous de réfléchir. Je sépère avec la petite cuillère, mais quand je marche à Yep, soudain tu décélères. Tu décélères à bord de ce SLR, et dans ton bled tout le monde m'appelle déjà Happy B, Happy B, Happy B, Happy B, Happy B, Happy B, Happy B. MCAR, le truc Gims. Y'a la tif, y'a la tif. Oh. Encore un des gros sons de l'album, celui-ci, mon cœur avait raison. Habibi, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Le son est très apprécié. Bravo Yalatif. Merci. Bravo pour ce taf. Et donc les autres morceaux que tu as bossé sont La main du roi, gros classique aussi. Ouais. Le déjà classique, la main du roi. Déjà classique, c'est sûr. Comme il dit, c'est du nectar. Magnifique. Les paroles, c'est du nectar, c'est vrai. Du nectar, du nectar. Et Richard Mille, très gros titre avec un saut qui a lâché un couplet de malade. Ouais. Non, je suis super, super content de ce que j'ai réalisé là-dessus. Et bah bravo, bah pour que ça dure et que ça continue. Il y a quoi de prévu pour toi là sur les prochaines sorties Continuation avec Monstre Marin, ouais, tous les toujours. Projets qu'on aura. Les projets, on va peut-être le retrouver avec le projet de l'artiste. Ah. On va peut-être proposer un peu de son, machin. Exact, ouais. Voilà. On va essayer de se connecter, tout ça. Let's walk. Et bah, écoute, première rencontre, donc. Merci à vous en tout cas pour cette soirée, merci Yalatif. Merci à tu toi. Tu salueras les habitants de Kreuzwald qui nous ont envoyé des messages en nombre. L'album est dispo. Salut le shérif de tous des vanneurs, ne écoutez pas. Salut le shérif. Il doit rester que le maire et le shérif, ils ont tous taillé. Merci à l'artiste d'être passé. Donc, de check. Yes. On attend donc les prochaines sorties, là, ça va être imminent a priori. Donc il y a la tournée avec Gims. Ouais, la tournée, le Warano Tour. Je suis très très fier de faire partie de cette tournée. Très très fier d'avoir rejoint Monstre Marin. Et très très fier du frérot. C'est magnifique le score. Avec plaisir. C'est parfait. Avec plaisir, Et bah merci d'être passé en tout cas ce soir. Avec volontiers. Et l'inso, tu voulais finir sur quelque chose? Non, tu voulais. Non, il y a Raja, le projet Sombre Zère, elle m'a dit que. Allez. L'album est disponible sur iTunes, allez cliquer, allez le prendre. Ah, voilà. Raja perd jamais. C'est parce qu'il y a un disque de platine qu'il ne faut pas l'acheter. Allez l'acheter. Il faut continuer. Il faut continuer à soutenir. Il faut continuer. Je sens votre chakra, votre cosmos. Merci à tous d'ailleurs pour la séance dédicace de tout à l'heure. Merci à tous ceux qui étaient là. Et bah dans un instant, on va faire tourner la roulette même maintenant. Et puis on reviendra aussi demain entre 20 et 21 avec Gims, comme toute la semaine. Yes. Gagne première place de concert pour voir Maître Gims près de chez toi. Salut Marine de Saint-Etienne, ça va bien? Oui, ça va bien et vous? Eh bah écoute, je te présente Gims qui est là avec nous toute Salut la Marine. Semaine. Salut. Est-ce que tu attends Gims près de chez toi? Oh oui, avec impatience, avec mon copain, on est tous les deux au restaurant et on est très très pressés d'aller le voir. Ah, c'est D'accord. pas vrai, arrêtez de mentir. Vous êtes où au resto? Vous prenez quoi, des pizzas? On a un livre non, pizza du chéri. Ça va arriver dans la nuit. Vous êtes où Marine, pardon, excuse-moi, au resto? On mange des moules frites ce soir. Des moules frites à Saint-Etienne, c'est classique à Saint-Etienne. C'est la spécialité de Saint-Etienne. C'est la spécialité. Les moules frites, Marine. On y va, on fait tourner, c'est parti. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. Ah, tu vas l'entendre en concert, Gims. Hein. Ah oui. Eh bah tu y seras avec ton fiancé Marine, il y a deux places qui t'attendent. Alors le seul problème pour les Stéphanois, c'est qu'il faut se rendre à Lyon. Ouais, c'est un gros problème, mais c'est pas grave, pour Marine, on se rendra à Lyon désolé, quand même. Ce sera le 18 décembre. Non. 18 décembre à la halle Tony Garnier, une salle incroyable, magnifique, où il y aura Gims. Et toi aussi Marine, avec ton copain, il s'appelle comment ton copain Marine? Florian. Eh bah Florian et Marine. Dédicace à Flo. Dédicace à Flo, ça roule. Bon, on vous laisse dans les moules frites. Ouais, merci beaucoup Skyrock. Merci. Bon app. Bon app et bonne soirée. Ciao Marine, ciao Flo. Ah bah, Flo était déchaîné derrière. Ouais, arrêtez plus. Il a dit mange des moules frais. C'était ça. Merci Gims, demain. Merci à toi. Ouais. De retour. Demain. À demain. Un petit peu avant 20h. Merci à vous tous. Merci l'artiste Linceau, Dr. Berries. Merci à Yelatif qui était là avec nous aussi ce soir entre 20 et 21. Et on va retrouver Difool maintenant qui doit être connecté. Tiens, un Stéphanois justement. Bah, c'est ce que. Oui, t'as vu la pêche des Stéphanois qui mangent des boules frites. Oui, je dis, c'est la spécialité à Saint-Etienne. Hein. Elle va t'ambiancer tout le concert de la Altony Garnier Games. Je sais pas, t'as vu ça? Ah, j'ai vu ça, oui. Salut l'artiste. L'artiste, il m'a accompagné pendant toutes les vacances avec son morceau. C'est le morceau qui fait le monde des fous, l'artiste. Destination finale. Ouais. Destination. Ok. Ouais. 15h du mat. Salut Difool. Salut l'artiste. Salut à toute l'équipe. Salut. Et ben salut à toi. Coucou. Bon, ben merci pour ce beau Planète Rap. C'était bien encore aujourd'hui. Et demain, le retour 20h 21h à pas louper. On a Fred, beaucoup voyagé, c'est vrai, ce soir on était à Saint-Etienne, à Creusval aussi j'ai entendu. Oui. Hey, on a entendu ça. On était à Creusval, tu connais Difool toi, Creusval? Creusval en Lorraine. Ouais, tout près de la frontière. Ben oui, je connais, oui. Et ben on avait Yelatif qui est originaire de Creusval. Forbach, Sarrebourg. Mais c'est en plus c'est vrai. Sarreguemines. Attends, ouais, oui, je connais Sarreguemines. Ah mais Difool il connaît tout. J'avais mon arrière-grand-mère qui habite à Creusval, je me rappelle de vacances quand j'étais petit, j'allais là-bas, je me faisais chier mais un mensonge. Ben il y avait t'étais pas là pour livrer des pizzas encore à l'époque. Mais tu n'étais pas tu prenais pas une barque pour le lac? Le lac de Creusval. Arrête, t'en aimes pas le droit. Ah, t'as pas le droit, t'as interdit. Mais pourquoi quel pêcheur. Oh, tu déconnes là-bas. Non, trop dangereux. Sans déconner. Interdit, ouais, c'est pas le droit. Mais alors tu fais quoi sur le lac? Rien, tu vas pas. Tu le regardes. Ah, t'as même pas le droit d'aller avec une barque. Tu tournes autour et après tu rentres à la maison. Voilà, exactement. Mais tu te baignes surtout pas dedans. Bah bon, on est pas très loin de Tchernobyl, hein, Creusval, Tchernobyl. Comment c'est dur avec le nom. Il y a quoi, 150 km à vol d'oiseau? Quoi, c'est la zone 51 là-bas. C'est la zone 51 là-bas, on est mort. Tu rigoles, mais il y a une centrale électrique nucléaire. Ah bah, non, waouh! Il y a tout! Il y a tout à Creusval! Ah oui, je suis venir à Paris, tu vois. On a tout là-bas. Bon, bah merci à vous en tout cas pour ce beau Planète Rap demain soir, 20h, à pas louper. Dans un instant, on démarre cette grosse soirée. On va démarrer avec Nekfeu ce soir. On va se faire un petit, on verra. Bonne idée. L'extrait de l'album Feu, Nekfeu qui sera lui aussi en concert avec Skyrock en début d'année prochaine. Moi, j'aurais bien aimé que tu mettes un son de l'artiste, man. Un son de l'artiste, bah vas-y, chante-le, Karim. Ah non, mais allez, c'est mieux, gros. 15h du mat. Tu pousses le son, tu fais des pompes, des tractions. Tu fonces au cri de ta vie. Tu veux pas signer Karim Gims? Ouais, j'ai entendu une belle voix. J'ai entendu ça. C'était moi. Ah, j'ai entendu quelque chose. C'était qui? Karim. Putain, Romano va être jaloux. Je vais te laisser ma carte. Et moi, je ferai les bacs. Bon, merci l'artiste. Merci à tous. Merci à vous. Et merci Gims. Et merci Fredo. De rien. Demain, Planète Rap. Et tout de suite, Nekfeu et Radio Libre 01 53 40 30 20. Qu'est-ce qui va se passer encore ce soir? C'est une surprise aussi pour nous. Bonne question. Oh là là. D'ici minuit, vous saurez tout. Radio Libre, c'est parti, merci Fred. Ciao. Salut Gims. Ciao. Son nouvel album, Mon cœur avait raison, découvert sur Skyrock.